Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, sommes-nous libres de nos habits ? Une série d'Emmanuel Paul réalisée par Christine Robert. Au départ de cette série, il y a le souvenir de cette première paire de baskets qui faisait hurler nos parents et qui maintenant sont le comble du chic. Du coup, il y a l'envie de comprendre comment le sportswear est devenu tellement tendance, voire luxueux, et surtout, grâce à qui. Alors pour commencer, les personnages, un communiant en habit marin, un homme libre qui habille des hommes libres, une mère modiste, des couturières, un boiteux, Mitterrand, Piccoli, Lonsdale, Paulin, César, Castel et Wolinski, et une femme amoureuse et impertinente. Ensuite le décor, un atelier, des portants chargés de vestes colorées, des défilés, les pistes de ski d'Avoriaz, du sur-mesure, des parties de pêche, pas d'épaulettes, du coton, de la moleskine, du lin et de la rayonne. Aujourd'hui, deuxième épisode, on toque à la porte. Je dois dire que pour moi, le vêtement, c'est un combat et je me suis battu pour la liberté, justement. Et mon premier grand combat, au moment de ma première communion, ma mère voulait m'habiller en costume bétonne et j'ai refusé. Et à la fin, elle s'est fâchée, elle m'a donné de l'argent, elle m'a dit « tu t'habilles comme tu veux, tu vois ». Et je me suis habillé en marin. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de cravate. Je refuse absolument d'être obligé de m'habiller d'une certaine façon. Et j'ai habillé des hommes, beaucoup d'hommes, à cause de ça. Sommes-nous libres de nos habits ? Emmanuel Paul, Christine Robert. Qui cesse d'habiller l'apparence, dit bientôt, je suis bien dans ma peau. C'est le message que j'ai envoyé après 68 à mes clients. Parce que je voulais envoyer un truc costaud, quoi. Michel Schreiber, papa du sportswear. C'est-à-dire, moi, j'ai refusé d'habiller des tas de gens. Je n'ai habillé que des gens qui me plaisaient, dans l'ensemble. Hein. D'ailleurs, mes clients sont souvent devenus des amis. J'ai quand même eu des personnages formidables, je veux dire. C'était des hommes libres. Voilà. Moi, j'ai habillé des hommes libres. Michel Schreiber et Patrick Hollington, c'est vous qui avez apporté la révolution dans le vêtement masculin. Comment l'expliquez-vous ? Je ne crois pas que ce soit tout à fait une révolution. Je crois que c'est plutôt une évolution. Et nous étions peut-être parmi les premiers de l'avoir aperçu, si vous voulez. Ça a été tout de même très différent à partir des vêtements de travail. Oui, c'était surtout un problème technique. Nous sommes partis de la technique de fabrication, mais le spécialiste de la technique, c'est Michel Schreiber. On est parti de l'outil de vêtement de travail. C'est-à-dire qu'on a voulu faire un vêtement plus léger et plus agréable à porter et plus beau à l'intérieur, enfin une meilleure esthétique intérieure. Et on a commencé par faire tout simplement le vêtement de travail en lui donnant une meilleure coupe et en lui ajoutant des petits détails tels que des boutons aux poches, des boutonnières en biais qui étaient plus pratiques à passer en fabrication. Et ensuite, on a attaqué de nouvelles formes. On a voulu faire, avec ce vêtement de travail qui au départ était un vêtement de sportswear, un vêtement de ville. Et vous espérez convertir même les PDG ? Oui, enfin je crois qu'il y a un gros avantage à ce type de vêtement. D'abord, c'est qu'il est beaucoup plus facile à entretenir, qu'il ne prend pas de place, que c'est un vêtement... Évidemment, ce n'est pas un vêtement fonction sociale, c'est vrai. Mais malgré tout, je crois que l'homme est avantagé physiquement. C'est-à-dire, un type un peu gros, dans un vêtement traditionnel, il mène nos vêtements, il a l'impression d'avoir perdu du kilo. Parce qu'il n'y a pas de choses superflues, d'entoilage, d'épaulettes, enfin... c'est une deuxième peau. Il n'y a plus de cravate. Patrick disait, on n'est pas des révolutionnaires, c'est vrai. On veut donner le choix aux hommes s'ils ont envie de s'habiller décontractés. Il n'y a aucune raison, s'ils sont propres et correctement habillés, enfin pas en débraillé, de les empêcher de rentrer quelque part sous prétexte qu'ils n'ont pas de cravate. C'est vraiment grotesque. En somme, c'est la revanche de la liberté. Exactement. Mais la cravate, je n'ai rien contre la cravate, à condition que ce soit un plaisir et non pas une obligation. Alors, Michel Schreiber, nous sommes dans votre atelier, atelier que vous partagez avec votre femme Catherine. C'est ma tanière ici, c'est là que je coupe, que je prépare le travail, que je fais les choses. Vous voyez, par exemple, ça c'est du matériel sur lequel je vais faire des tapisseries, des choses comme ça, vous voyez, des tableaux. Sinon, c'est un gros bordel. Encore aujourd'hui, c'est rangé. Voilà. Alors ça tenez, tiens, voilà. Et vous voyez, ça c'est une coupe. Il n'y a pas de couture là. Vous voyez, vous avez un morceau comme ça, qui prend tout, qui fait le dos. C'est d'un seul morceau, en fait. Voilà, il y a juste une couture dans le milieu du dos. Et là, il y a une doublure soie, non ? Là, il y a une doublure soie, oui. Ça, c'est une veste plutôt habillée, quoi. Ça, on peut aller une soirée, avec un vêtement comme ça, on peut aller une soirée où les gens sont en habit. Vous savez, j'ai commencé à coudre à 3 ans, hein. Ma mère était modiste et j'étais passionné. Bon, j'adorais être dans l'atelier. Et je faisais mes devoirs dans l'atelier de ma mère et j'ai commencé à faire des petits trucs. Par exemple, faire un cadeau à ma cousine qui avait 2 ans de moins que moi. Je lui avais fait une petite serviette brodée que j'avais brodée. Bon, parce qu'on me laissait faire ce que je voulais. Bon, j'ai eu une enfance formidable, c'est vrai. J'étais complètement libre. Puis je voulais pas me déguiser. Je voulais m'habiller. C'est différent. Et voilà, bon, ça a marché. Je suis tailleur au départ. J'ai appris mon métier chez Paul Porte, qui était à l'époque le grand tailleur parisien. Et je me suis donc habillé dans ces costumes. Et j'ai refusé de passer mon CAP de tailleur, parce que j'ai dit, c'est un diplôme ridicule, j'oserais jamais le montrer. Mon patron m'a dit, mais vous êtes fou. Je dis, non, je ne veux pas. Il m'a dit donc, vous avez intérêt à partir et aller chez les autres, faire vos expériences. Donc j'ai commencé, j'avais 20 ans. Et j'ai travaillé à ce moment-là. Ça vous intéresse que je le dise comme ça? Totalement. J'ai travaillé à ce moment-là chez un jeune couturier dont le papa avait une marque de montre en Suisse qui lui avait offert une maison de couture à Paris. Robert Levaillant s'appelait-il. Et cet homme-là avait beaucoup de talent, mais il était très paresseux. Et donc moi je suis rentré dans l'atelier parce que j'étais l'assistant du coupeur. Jacques Tifot, qui était un type formidable, qui est parti aux États-Unis après, qui a fait une belle carrière. Il a travaillé chez Dior après. Bon, j'ai pendant 2 ans travaillé dans la couture. Alors, j'ai donc abordé le côté efféminin et de couture avec les mannequins et tout ça. À 23 ans, je suis retourné en Normandie parce que ma mère allait pas bien et je me suis installé artisan à Caen. Et ça a pas marché du tout. J'ai juste habillé les vieilles clientes de ma mère auxquelles j'avais tenu compagnie quand elles attendaient dans les salons et que je trouvais que ma mère exagérait de les faire attendre. Donc je les ai habillées et puis je me suis planté. C'était la première fois que je me suis planté, parce que je me suis planté quelques fois dans ma vie. Hein. Et je suis revenu à Paris et là j'ai habillé quelques copains, mais ces copains, c'était quand même Alain Le Foll, c'était quand même César, c'était quand même Peter Knapp, c'était quand même Jean Widmer, c'était des graphistes, des dessinateurs, des gens qui démarraient aussi et qui ont réussi dans l'ensemble. Et là, il s'est passé que finalement, c'était une période où les vieilles journalistes de mode étaient vraiment dépassées. Et il y avait toute une jeunesse qui arrivait et qui cherchait véritablement autre chose. Et il est arrivé justement que les gens que j'ai habillés dans la rue, certains journalistes leur ont demandé qui vous avez, mais ça vient d'où ça? Donc ils sont venus voir, je les ai eus comme clients, ils m'ont amené du monde. Ils m'ont dit, on va parler de vous. Je dis, oh, surtout, me parlez pas de moi. Je n'ai que 10 doigts et je ne pourrai pas. Parce que je savais une chose aussi, c'est que je serais un très mauvais gestionnaire et que je n'avais pas envie de devenir un bon gestionnaire. C'est-à-dire, c'était pas mon truc et j'avais pas le temps. Donc, j'ai décidé de m'associer avec quelqu'un. C'est comme ça que, au cours d'une partie de pêche en Normandie, j'ai rencontré Patrick Hollington, qui travaillait dans une boîte d'import-export. Et lui, il était chargé de d'emmener les clients qui venaient pour acheter des produits de solde, et il les emmenait au restaurant. Donc, on s'est associé. On a décidé de faire un défilé. On a trouvé un local. Enfin, il s'est bien débrouillé pour ça, d'ailleurs. On a trouvé un local, rue des Blancs-Manteaux. C'était très sympathique comme endroit. J'ai continué à faire des costumes de ligne classique, mais j'ai commencé par retirer les doublures, arracher les toiles tailleurs et faire du souple. Pas d'épaulettes, rien d'artificiel. C'était donc la souplesse, le respect du tissu, choisir le tissu, des beaux matériaux. Mais des beaux matériaux, c'est pas forcément du cachemire, et c'est un beau coton, de la moleskine, le truc dans lequel on faisait les vestes des bougnats, le jean aussi, à une époque où on n'en trouvait pratiquement pas en France. Les Français voulaient un jean qui ne déteigne pas, par exemple, donc qui n'était pas fait à l'indigo. Hein, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver, d'ailleurs, à l'époque. Alors, le tissu des vêtements de travail, les croisés de coton, le lin. Donc, ça veut dire que vous allez chercher tout la matière première du vêtement de travail pour ce premier défilé. Donc, c'est en quelle année? 65? Oui, ça doit être... Je ne sais plus si c'est 65 ou 66. À partir des vêtements nouveaux, moins formels, moins rituels que le classique complet veston, on arrive à des pantalons blue jean plus quelque chose en haut. Quelque chose qui peut être un blouson ou une veste, et qui fait un ensemble dans des tissus légers, bon marché. Ce sont des vêtements sans prétention, portés avec des chandails à col roulé ou des t-shirts. Pour eux, il faut bien dire que l'argent dépensé compte moins. Ce n'est plus la fabuleuse façon des tailleurs anglais que l'on regarde, mais un joli choix de couleurs, un bleu encre, un vert vif. Sans cravate, c'est désormais le costume lui-même qui est en couleur. Et ce souci des couleurs fait partie constante du monde actuel. Il nous influence tous, il influence même les styles de vêtements traditionnels. Et là, j'ai décidé d'embaucher du monde. Donc, j'ai passé une annonce dans différents journaux. Cherche personne sachant coudre. Et j'ai eu plein de personnes qui sont venues, dont une dame qui était formidable, Madame Coignat. Alors, elle vient parce qu'elle voulait se faire embaucher. Puis d'un coup, elle dit, mais vous savez, je sais rien faire. Alors, je dis, comment ça, vous savez rien faire? Elle me dit, non, j'ai travaillé nulle part. Mais je lui dis, mais vous faites de la couture? Ah ben j'habille mes enfants. Je dis, vous en avez combien? Vous en avez 7 ou 8. J'ai dit, donc vous devez savoir coudre. Je l'ai embauché et puis je me suis retrouvé avec 5 ou 6 personnes. Il y avait un vieux monsieur aussi que j'avais pris, qui était mannequin, mais il était mannequin pour la bière. Et il est venu avec une canne, il boitait. Un photographe dans la rue, par exemple, un type, il me prend en photo. Et puis je lui dis, donnez-moi votre adresse, vous voulez pas, venez me voir. Il est venu me voir, alors je lui dis, est-ce que vous voulez faire le mannequin pour moi? Il me dit, non mais je suis pas beau. Je lui dis, si vous êtes très bien, voilà. Et alors j'en ai eu un autre. C'est quoi être beau? Être beau, c'est d'être bien à l'intérieur. Et les gens qui sont pas bien à l'intérieur sont pas beaux. Hors des mannequins en général, quand j'ai fait des défilés, j'ai pris des femmes normales, des hommes normaux, qui étaient très étonnés d'ailleurs qu'on les prenne comme mannequins. Je ne suis pas un homme de la mode. Pour moi, la mode, c'est uniquement commercial. La mode, c'est la démode. C'est-à-dire que c'est pour obliger les femmes à changer, ou les hommes d'ailleurs, à changer régulièrement. Ça, je suis tout à fait hostile à ça. Et je suis pour le luxe aussi, même si j'ai travaillé sur des choses industrielles et pas chères, je suis pour le luxe, c'est-à-dire pour un vêtement, pour moi, il doit durer... Tout à l'heure, je vous ferai voir des vêtements que j'ai, qui doivent avoir 45 ou 50 ans, que je peux toujours mettre et qu'on peut porter. Ça doit pas s'user, ça doit durer, ça doit être beau, ça doit être de la belle qualité, ça doit être de la belle façon, ça doit être amoureusement fait. Mesdemoiselles, est-ce que vous attachez une grande importance à la façon dont un homme est habillé ? Ah oui, assez. Bien sûr, oui. Premier abord, oui. Et est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un homme bien habillé pour vous ? Souvent cravaté. Cravaté. Oui, costume. Paris. Qui a de l'allure, qui représente bien, qui pas négligé. Enfin, le principal, c'est qu'il se sente bien dedans, qu'il ne pas rester contracté. C'est très important pour moi, parce qu'un homme qui est mal habillé, d'abord, je ne peux pas le voir. Un homme bien habillé, on le regarde comme une belle chose. Un homme bien habillé, disons qu'il est un vêtement déjà qui va à son style, qui soit propre, enfin bien porté, je sais pas. Absolument, bien sûr, c'est le reflet, l'expression la plus parfaite de ce qu'il peut me dire sur ce qu'il est, et la manière dont il se voit. Et qu'est-ce qu'un homme bien habillé pour vous alors ? C'est un homme qui a l'air d'être bien dans sa peau. Alors il peut être en lévis, ou il peut être en costume d'alpaga, ou en n'importe quoi, ou en gandoura, ou en chemise indienne. Qui a l'air bien dans sa peau. C'est une peau, finalement, le vêtement. Hein. Messieurs, vous êtes très jeunes. Je crois que vous devez avoir pas dépassé les 25 ans, je pense. Et je voulais vous demander si vous portiez un grand intérêt à la mode masculine. Non, aucun. Aucun, vous non plus. Aucun. Est-ce que vous achetez beaucoup de vêtements ? Non, jamais. Jamais ? Non, jamais. Alors, ceux que vous portez là, tous les 3 ans. D'où ils viennent ? Tous les 2-3 ans. Ah bon ? Oui. Qu'est-ce que vous avez là ? Vous avez J'ai un pantalon de prise unique. Jean ? Oui. Un peu ? Un peu de jean, oui, si vous voulez. Un pull à vert et un t-shirt. Il n'a pas l'air très jeune, en effet. Non, effectivement. Non. Vous en êtes aperçu tout de suite. Oui. Et vous êtes en nounours. Oui. C'est-à-dire un blouson de... Non, ce n'est pas un blouson. Pourquoi ? C'est quoi ? Ça ressemble à un blouson ? Je sais pas, c'est une espèce de veste avec capuchon, oui. Mais qui s'enfile par la tête. Oui, ça ne s'enfile pas la tête. Donc oui. C'est pas une veste et ni un blouson. Non. Et la chemise, c'est pas non plus une chemise. Non, ce n'est pas une chemise. Pourquoi ça ressemble à une chemise ? C'est une tunique. Disons que c'est une tunique, oui. Et puis ça, ce sont des bijoux. Des gris-gris, oui. Est-ce que vous pensez, par contre, dans l'avenir, changer de costume ? Je n'envisage pas ça pour le moment, non. Non, mais vous ne croyez pas que votre profession ça m'intéresse pas suffisamment pour que je me pose de telles questions, voyez-vous. Vous ne pensez pas que votre profession future va vous contraindre à abandonner ces vêtements plus que décontractés ? Non, je crois pas. Quelle profession future ? Oui, c'est ça, je suis sans profession. Ah oui, bon, enfin, vous en aurez bien une un jour. Non. Vous ne pensez pas que vous vous donnez l'exemple à certaines personnes plus âgées, non ? Si on regarde bien, non. Regardez ce monsieur qui a une cravate. Mais en fait, quand vous aurez 40 ans, vous n'allez pas vous habiller en nounours et en... Le si ça se trouve, il tiendra 40 ans. Oh yeah. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah. Si je porte des chemises à fleurs, c'est que je suis en avance de 2 ou 3 longueurs. Ce n'est qu'une question de saison, les vôtres n'ont encore que des boutons. Oh yeah. J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant, Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. Oh yeah! Qu'est-ce que je peux vous faire voir? Tenez, par exemple, ça, c'est un tissu Marimekko. C'est une veste qui a plus de 45 ans. J'ai beaucoup travaillé avec des tissus Marimekko parce qu'il se trouve que j'ai fait la connaissance d'Armiratia qui était la patronne de Marimekko parce que j'allais en Finlande faire un voyage et un de mes amis m'a dit, si tu vas en Finlande, faut appeler Marie, Armi Ratia. Donc Armi m'a dit, vous êtes un ami de Roger Guin, mon chauffeur vient vous chercher. En hiver, donc la nuit là-bas. Et on a fait 100 kilomètres, on s'est retrouvé dans une espèce de petit hameau où il y avait des maisons modernes, des petites maisons et tout. C'était chez Armi Ratia. Et là, il y avait une cinquantaine de personnes du monde entier. C'est-à-dire, il y avait des gens de partout. Alors, on dit, mais, bah, vous restez là. Alors, on a nos affaires à l'hôtel. Non, c'est pas grave, il y a tout ici. Et puis, alors, c'était la fête. Puis, on a dit, qui veut faire un sauna? Donc, il y avait le sauna dehors et c'était au bord d'un lac. Alors, on cassait la glace sur le lac et on sautait dans le trou. C'était formidable. Elle faisait 4 degrés. C'était, voilà. C'est là que j'ai vraiment découvert que j'aimais vraiment le froid. Mais là, cette veste, qui est une veste pas du tout pour le froid, qui est une veste en coton, oui. Vous l'entretenez comment? Vous la passez dans votre machine à laver? On lave ça, oui. Hein, tu laves ça. Ça, c'est doublé. Doublé en coton gratté, oui. Elle a servi il n'y a pas longtemps. Il y a des mouchoirs dans la poche. Hier. Et double poche, là. Double poche, ça a une double fonction? Oh, c'est... On s'amuse un peu aussi, hein. Oui, bien sûr. Et puis il y a pratiquement toujours des poches intérieures qui ferment. Quand vous concevez un vêtement, vous le concevez parce que il va avoir une fonction, parce que, par exemple, à partir du moment où il y a eu des téléphones portables, il a fallu trouver des poches pour les mettre. Oui, est-ce que il y en avait déjà, mais oui, mais alors on dit qu'il faut pas se mettre un truc là, donc maintenant je faisais la poche à gauche, maintenant je fais la poche à droite, mais je pense que ça change pas grand chose d'ailleurs. Pour pas qu'elle soit sous le cœur. Oui. Pour pas mettre le téléphone portable sous le cœur. Maintenant je le mets plutôt dans la poche sur le côté là. Mais comme je réponds pas à mon téléphone en général, c'est pas très grave quoi. Notre histoire contemporaine, c'est aussi l'histoire de notre habillement. Mais la mode, non pas d'il y a 45 ans, la mode d'aujourd'hui, eh bien, pour nous messieurs, elle se décidait cette semaine au Salon européen de l'habillement masculin. 1979. Michel Schreiber sur TF1. Par exemple, un patron qui va à son travail... Et vous lui demandez pourquoi il s'habille comme ça, il vous répondra mais c'est à cause de mes employés, des gens que je reçois. Et si vous demandez aux employés pourquoi est-ce que vous habillez de cette manière-là, ils vous répondent la même chose, c'est-à-dire c'est à cause du patron, parce que qu'est-ce qu'il penserait, je vais peut-être perdre mon travail. Moi je me bagarre contre ça parce que je trouve qu'il faut être libre de s'habiller comme on a envie de s'habiller. Bon, par exemple, vous mettez un pantalon en velours avec une veste en lin doublée de coton gratté rose, il y a des fleurs sur la chemise, les chaussures sont rouges. Là, bon, je dis pas que ce soit de bon goût, c'est un problème de choix. Jean-Claude Narcy nous a entraînés aujourd'hui dans l'univers des stylistes qui ont aussi la parole, parce qu'après tout, avant les grands couturiers, ce sont eux, les stylistes, qui bien souvent parlent. C'est-à-dire que personnellement, je suis tailleur, je suis couturier ou styliste, je suis aussi designer industriel. Schreiber-Ellington, le gros de notre travail, c'était l'industrie. D'ailleurs, on a eu des très bons contrats. Il se trouve qu'à l'époque, j'ai eu Lee Cooper, j'ai eu Pierre Pouillot, donc de Lee Cooper, qui est venu me trouver et qui voulait que je lui fasse des pantalons. Parce qu'ils faisaient des pantalons. Ils avaient repris une boîte qui s'appelait Fusilier, qui était le concurrent de Lafond à l'époque, qui faisait des vêtements de chasse, des vêtements... bon. Et moi, j'ai dit, je veux bien faire des pantalons, mais je veux faire des pièces à manches. Donc, j'aurais fait des pièces à manches. Et ça a été très important parce que c'était un vrai outil de vêtements de travail. Et donc, on a sorti des vêtements qui étaient à des prix très intéressants. Donc, je les ai sortis en lin, en coton. Et il se trouve que ça a été repéré par les grands magasins suédois Domus. Je crois que c'est Domus et des magasins comme Le Printemps, qui ont d'ailleurs... commandé beaucoup. Mon plus gros succès commercial a été là, d'ailleurs, hein, de toute ma carrière. Mais en 68, j'étais en vente, donc en Suède, tous les vêtements de Lee Cooper, tous les étalages de tous les magasins Domus avaient les vêtements Schreiber-Ellington, Et toutes les deux ou trois heures, dans tous les magasins, il y avait un défilé. Et ça a marché très fort. Mais c'est le seul grand succès commercial que j'ai eu. Hein. Bon, quand on a lancé le Tergal. Vous vous souvenez du Tergal? Je me souviens. Parce que moi, j'ai eu aussi un gros contrat avec Ron Poulin. Mais à la recherche. Ils avaient des trucs bien. Hein. Par exemple, ils avaient un matériau qui s'appelait Isoville. Isoville, c'était un mélange de coton et de... Comment ça s'appelle? La rayonne. La rayonne qui est une matière naturelle, qui n'est pas synthétique. Hein. C'est pas synthétique. Et c'est très agréable à porter. Et c'était un tissu très très agréable. Et d'ailleurs, j'ai fait des sous-vêtements pour hommes. C'est moi qui ai lancé les sous-vêtements de couleur, par exemple, des choses comme ça, dans les années 60. Il y a une marque déposée par-dessous. Oui. Donc des sous-vêtements pour hommes de couleur, c'est alors, ça? Alors, j'avais fait des caleçons. Par exemple, les caleçons, je disais, il faut que les hommes... Par hasard, ils se retrouvent dans un endroit où il y a une piscine, qu'ils ont envie de se baigner ou de se mettre au soleil, qu'ils puissent quand même faire voir leurs caleçons et que ce soit très élégant. Bon, donc ça a très bien marché, ça, pendant quelques temps. Si une station peut vivre sans voiture, elle ne peut se passer d'un club. Nous nous arrêtons ici simplement pour vous montrer dans le fond de la salle, ces rochers éclairés. La montagne a été conservée dans la cave. Les premiers habitants d'Avoria se sont très vite acclimatés. Allô? C'est Nicoletta. Ben je fais du ski tout le temps. Il ne fait absolument pas de ski. T'es fou, j'ai un Jinrami contre Barclay qui va bien avec trois blitz, je vais pas laisser faire ça comme ça. Pratiquement, j'ai dû faire les premiers vêtements matelassés, comme on en voit partout aujourd'hui, chez Skimmer. Je crois que je suis un peu, un des papas du sportswear. On m'avait dit que c'était des vacances. À l'époque où Michel Rosier faisait V2V, moi je faisais Skimmer. Et sur les pistes, le jour où nos vêtements sont sortis en même temps, ceux de Michel et les miens, je me souviens, j'étais à Avoria quand les vêtements sont sortis. Tout d'un coup, on a vu sur les pistes, on a vu de la couleur qui partait. Il y avait du rouge, du jaune, du bleu, c'était extraordinaire. Ah, c'est chaud, c'est bon. Mmh. Bien. Il faisait 20 degrés en dessous de zéro le lendemain matin quand le chasse-neige ouvrait la route de Morzine. Sur l'idée de la décontraction, d'un vêtement qui soit à la fois joli, coloré, tout ce qu'on veut, mais en même temps dans lequel le corps bouge. Ah bah oui, et puis facile d'entretien. On a fait, à cette époque-là, les stylistes, on était une dizaine de stylistes qui avons été appelés stylistes. C'était l'époque d'Emmanuel Kahn, de Christiane Bailly, de Michel Rosier, bien sûr, puis j'en oublie forcément, mais pas que Rabanne. Il y a eu un métier nouveau qui a vu le jour. C'est-à-dire qu'on a pris d'une certaine façon le relais de la haute couture. Je ne veux pas effrayer de prime abord le client éventuel, c'est quand même prêt-à-porter, est une affaire commerciale avant tout. Paco Rabanne. Je vais donc faire des vêtements, quelques vêtements un peu traditionnels, peut-être différents par la texture, mais il y aura quand même des vêtements un peu plus nouveaux, des inclusions de métal sur des vestes, des détails plus nouveaux, mais ça ne sera pas une mode laboratoire. C'est d'abord, c'est du prêt-à-porter, ce n'est pas de la haute couture. Et est-ce que vous pensez que la mode masculine, à l'heure actuelle, est adaptée à la vie que mènent les hommes? Actuelle? Oh non, oh là là, c'est une horreur de voir la façon dont l'homme est habillé. Et c'est fantastique de voir la liberté avec laquelle la femme s'habille et l'espèce de côté extraordinaire de la femme vis-à-vis de la mode. La femme est très libérée vis-à-vis de la mode, du vêtement. Elle joue avec. L'homme est un pauvre niais pour le moment, qui est encore prisonnier du vêtement. L'homme était naïf et un timide. Il n'est pas du tout libéré de toutes les contraintes vestimentaires. Et la femme, il y a plus de 50 ans qu'elle est totalement libérée de cela. Mais je vais vous dire une chose que vous choquer, c'est parce que les femmes sont beaucoup plus libres que les hommes. C'est tout. Les hommes sont coincés complètement. Ils osent rien. Moi, je trouve que c'est épouvantable d'être un homme, finalement. C'est-à-dire que je crois que, en réalité, homme ou femme, d'ailleurs, ce qui est très important, c'est l'indépendance. Ce qui est la vraie liberté, c'est l'indépendance. C'est pas de suivre un système. Justement, la mode, c'est le contraire de la liberté. La mode masculine, c'est la vraie contrainte. Les conventions, c'est sale, en fait. Et à quel moment, dans votre parcours, arrive l'idée qu'il faut changer le costume masculin ? Le costume masculin, c'est mon ennemi. C'est mon ennemi dès l'enfance. Je ne comprenais pas du tout comment les bons hommes s'habillaient, et je ne voulais pas m'habiller comme ça. Bon, alors, il se trouve que je me suis un peu habillé comme ça, chez Porte, parce que là, j'ai découvert quand même, dans le costume masculin, chez Porte, c'était une veste, vous la preniez comme ça, hop, elle ressortait impeccable. Vous la mettiez comme un Chanel. Hein. Les femmes qui s'habillaient en Chanel à l'époque de Chanel disaient, on met ça dans la valise, on va à l'autre bout du monde, on les ressort, c'est impeccable. Donc c'était ça. Chez Porte, la toile tailleur, elle était fine. Elle était en lin, elle était ou en petite laine très fine, très belle, et tout était fait à la main à l'intérieur. On mettait un très bon ouvrier mettait une semaine à faire une veste. Alors évidemment, ça coûtait très cher. Et la clientèle, c'était quand même... oui, j'ai même travaillé pour Eric von Stroheim, par exemple. Ça, c'est une de mes vestes préférées. Celle-là, voilà. La première que j'ai faite comme ça, d'ailleurs, c'est une copie de la première, celle-là. Quelques mois avant la naissance de mon fils, je me suis levé dans la nuit. J'avais juste des ciseaux à ongles et un bout de jean. Et je l'ai coupé. Et quand je suis arrivé à l'atelier le lendemain matin, je l'ai fait monter. Une veste en jean. Et puis, bleu, c'est la première fois que j'ai fait cette coupe-là. Des grandes, grandes emmanchures. Je peux mettre ça presque en toutes circonstances, ce genre de vêtement. Et en général, on me fait des compliments quand j'ai ce vêtement-là sur le dos. Michel Schreiber, quand vous voulez, vous vous habillez beau. Qu'est-ce que vous allez mettre ? Ah, beau, alors ça dépend de ce qu'on appelle beau. Mais je veux vraiment être beau et pouvoir vraiment plaire à beaucoup de monde, je vais essayer de m'habiller exactement d'une manière qui plaira beaucoup à ma femme. C'est à Catherine qu'il faudrait demander alors ? Oui. Alors Catherine, quand il veut se faire beau, Michel, qu'est-ce qu'il met ? Il se met tout nu. Non, mais moi, j'aime beaucoup quand il est en noir, en fait. Mais j'aime beaucoup aussi quand il porte des chemises en liberty. Il fait beaucoup de chemises en liberty. Il a une vraie collection de chemises en liberty. Puis j'aime beaucoup quand il porte... il a un ensemble en soie écrue qu'il porte avec un panama et des brodequins bruns et en cuir brun et lin écru. Je trouve que c'est un chic fou. En fait, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu fin 19e, début 20e, quoi, du monsieur, comme certains peintres qu'on pouvait voir à l'époque. Enfin, voilà, je trouve qu'il a un peu le profil comme ça. Ça, c'est c'est un cuir de soie, ça. Ça s'appelle du cuir de soie. C'est légèrement irisé ? Qui donne le côté aussi cuir, c'est son faux côté perfecto avec ses boutons pression. Surtout le tissu qui est... D'ailleurs, c'est un tissu qu'on ne trouve plus. Vous regrettez certains tissus, dont la vigogne ? Oui, la vigogne, oui. Bah, c'est-à-dire que regretter, c'est-à-dire la vigogne, c'est... ça coûte, je sais pas loin de 1000 euros le mètre, quoi. C'est un genre de lama qui vit... ou le Tibet, ou un truc comme ça, on ne peut pas les élever, et donc il faut ramasser le duvet, et ils se baladent dans la nature, il faut ramasser le duvet avec ça, enfin un tissu. Et il se trouve que Le premier vêtement sur lequel j'ai travaillé quand j'étais apprenti chez Porte, on m'a donné des tissus à bâtir, comme ça. Alors j'ai bâti ça comme ça, à grand poids, à toute vitesse. Et je suis après le prix que ça coûtait, c'était de la vigogne. J'ai commencé à toucher de la vigogne. C'est merveilleux à toucher. Je suis aimable. Ah bon, c'est pour ça qu'il t'aime. Alors, Georges, tu as 56 ans. Tu as fait 52 albums. Tu travailles à Match, à l'Écho des Savanes, au Journal du Dimanche, à Zénith, c'est ça ? À lui. À lui aussi. Est-ce que tu es prêt pour faire une petite interview de check-up ? Ça dépend. Bon, on va voir. C'est terrible, fais gaffe. Alors, ton nom d'abord, Volinsky, c'est ton vrai nom. Oui. Ils t'appellent comment, tes copains ? Là, tu vois, avec Cavana, Cabu, on a du mal à s'appeler par les prénoms. Ta taille ? J'ai 1m73. 1m73, et ton poids ? 75 kilos. Mmh. T'es sûr de ça ? Un peu plus. Ah. C'est le poids que j'aimerais avoir, mais là, j'ai 2 kilos de trop. Là. Je les ai pris en Italie. Ouais. Tu portes des slips ? Là, t'as un slip, par exemple ? Non, j'ai un caleçon, là. Et tes vêtements, tu les achètes chez qui ? Schreiber. Ah ouais. C'est fait sur mesure ou... Pas vraiment fait sur mesure, mais c'est fait à mes mesures quand même. Schreiber, c'est un vieux pote. C'est lui qui a mis Mitterrand aussi, et Roger Hanin. Touche le tissu, tu vas voir la qualité. Ah, c'est bien. C'est aussi un client, Volinsky, c'est ça ? Oui. Client copain. C'était, oui. Je vois qu'il y a une planche de Volinsky. Alors, mais j'hallucine. Quelle classe ! C'est Volinsky qui arrive en Schreiber. Où tu veux, quand tu veux. Merci Schreiber. Merci Schreiber. Ah oui, Georges, ça c'était un pote. Hein. En 2002, il y avait une exposition qui vous avait été consacrée au musée de la piscine de Roubaix. Il y a une double page avec une photo de, on va dire, une photo de famille ou une photo de copains. Oui. Donc ce sont que des hommes. Guy Bedos avec ses lunettes noires. On a Michael Lonsdale qui est là avec sa barbe. Paulin, Roger Talon avec sa cigarette. César. Castel. Michel Schreiber, vous êtes au premier rang avec avec une grande barbe noire. J'avais encore des cheveux à l'époque. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, tous ces hommes ? Bah, vous savez, c'est une complicité, oui. On se comprenait. Bon, d'ailleurs, c'est ce qui est très amusant, César, par exemple, je l'ai connu tout au début. Que j'étais à Paris, à l'époque, je portais pas la barbe, j'avais une moustache seulement, et César aussi. Et dans la rue à Saint-Germain, je me souviens plusieurs fois, on me disait « bonjour César ». Alors je disais « pourquoi il m'appelle César ?» et tout. Puis après, je l'ai rencontré, donc on s'est marré, je l'ai habillé, lui il s'habillait avec des trucs de bougnat, vous savez, en moleskine noire, c'est un tissu extraordinaire. Ça c'est extraordinaire, ça c'est inusable. Et toujours dans le même ouvrage. On a... Où est-il ? On a François Mitterrand, bras croisés, avec une veste, avec un col... Ce que j'appelle un col paysan. Il a un petit bout de cravate quand même en dessous, non ? Ah bah lui, il portait des cravates. Il n'y a pas de padding ? Il n'y a pas de padding. Il n'y a pas d'épaulettes ? Il n'y a pas d'épaulettes. Donc son corps se tient bien ? Ah bah il était très bien, Mitterrand, oui. Ah là, il était encore en forme, ah oui. À quel moment François Mitterrand va-t-il mettre cette veste de Michel Schreiber ? Alors, je pense que à Latché, sûrement. Et alors, celle-là, elle est en flanelle, mais il en avait plein, en tissu très léger, en lin et tout ça. Et à chaque fois qu'il allait à l'étranger, il était habillé comme ça. D'ailleurs, je vous ferai voir une photo tout à l'heure. Il y a une photo de lui, où il est avec George Bush père. Bush a sa veste sur l'épaule, et Mitterrand, là, il l'a gardé sur lui. Et alors, c'est ce qu'il disait. Il disait, oui, il avait trop chaud, moi, j'étais bien. Mais par contre, quand il passait à la télé, qu'il y allait dans un de mes vêtements, on disait, faut pas qu'il passe comme ça. Ça pose problème. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous n'êtes pas un gentil garçon. Vous n'êtes pas obéissant. Le bar du Bébête Chaud. Qu'est-ce que c'est que cette tenue de Zazou? Maintenant, même les barmen s'habillent n'importe comment. Ah, de mon temps, eh bien... Oh là là, écoutez, c'est le dernier Bébête de la saison. Moi, dès que l'émission est terminée, je ferme et youpi les vacances. Et vous, Monsieur Juppé, alors Eh bien, j'hésite entre la mer et... Et rien du tout. Il se rhabille en Premier ministre, il retourne à Matignon et il continue à lutter contre le chômage. Bah, il faut qu'il se repose un peu. Non. Il se reposera après. Ah, monsieur Balladur, ah bah vous, on devine où vous allez, hein, vous partez à Chamonix. Oui, mais comme cette année, ça ne se bouscule pas pour venir avec moi, je vous emmène. Tenez, je vous ai acheté un short en cuir et un chapeau de tyrolien. Qu'est-ce qu'on va s'amuser? Ah ouais, ouais, qu'est-ce qu'on va se marrer, super. Balalaïou, la la la la you, balalaïou, la la la la you. Tiens. Ah, vivement la rentrée, bon, on y va. Oh, le beau gâteau! Bravo, Marcello! Bravo! Hein? C'est très beau, c'est un peu mélancolique, Lionne! Non, elle trouve ça affreux. L'idéal, ça serait pouvoir continuer à manger comme ça indéfiniment. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, ça serait magnifique. À toi la caille, à moi le coquelet. Le Festival de Cannes, c'est un film qui ne laissera personne indifférent, paraît-il, qui est présenté ce soir au Festival. Voici quelques-uns des qualificatifs que j'ai relevés dans une seule dépêche à propos du film La Grande Bouffe de Marco Ferreri, présenté par la France. Ubuesque, rabelaisien, nihiliste, scatologique, pornographique, trivial, insoutenable, cruel. Ça doit être un gros succès commercial. Mais on parle aussi de grands morceaux de cinéma, œuvre d'un moraliste qui s'élève contre la société de consommation. On s'attend à beaucoup de réactions au cours de la première ce soir. Mange encore, mon petit Michel. Mange. Qu'est-ce que tu ne manges pas? Tu vas pas mourir. Non, j'ai une petite histoire. Il faut manger. Au moment de la grande bouffe de Marco Ferreri, Michel Piccoli, que j'habillais, vient me trouver, il me dit, il faut que tu me fasses un vêtement en soie, parce qu'on a j'ai rendez-vous à Cannes avec Marco Ferreri, et il nous a dit, vous venez pas en smoking. Alors, bon, alors, je lui ai fait un vêtement en soie et tout, et ils sont arrivés à Cannes, et Marco Ferreri les a reçus, il était en smoking. Mais c'était pour mieux se démarquer de toute son équipe. Pour se marrer. Ça gagne du pognon, ça, sur le dos du pauvre Peufulo. Oui, madame. Un scandale. Marcello, tu veux du boudin? Marcello, mes amis te réclament. Monsieur, permettez-moi de vous offrir un petit encas de bienvenue. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. Michel Schreiber, vous êtes parti du vêtement de travail pour en faire aussi un vêtement qu'on puisse mettre dans toutes les situations de la vie quotidienne. Mais vous avez aussi joué avec les codes, parce que quand vous faites un costume que vous appelez le Mao snob, cachemire, doublé de soie, là vous jouez avec les codes du vêtement de pouvoir. J'ai fait une couture que j'ai appelée la couture snob. C'est-à-dire, moi... Je suis sorti beaucoup, je faisais partie du clan Castel, je sortais tous les soirs, même si je travaillais. C'est une époque où, de toute façon, je dormais que 3 heures par nuit, parce que j'avais pas besoin de plus. Maintenant, il m'en faut plus, maintenant. Donc, je me souviens très bien de m'être fait un smoking. Je me souviens, c'était un voile de laine en rouge, et j'avais fait un col écharpe noir, mais en soie très fine, comme ça, et j'avais une chemise. Alors je me suis fait, j'ai une chemise pour les tenues de soirée, c'est-à-dire, c'est une chemise qui est très large, et on la laisse tomber, ça fait un plissé comme ça, ça tombe dedans, ça fait très habillé. attention à la tête en passant parce que... Non, d'abord, il y a cet impair que j'aime beaucoup, que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Il marche plus en tant qu'impair parce que c'est du lin. Hein. Voilà, ça c'est des chaussures que j'ai fait à un moment. C'est des bottes que je porte encore de temps en temps. Alors, vous voyez le genre de chaussures que j'aime. Défoncé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs primaires là. Oui. Toujours pareil, du rouge, du bleu, du jaune, du vert. Elles n'ont pas été éditées ces chaussures-là, mais il se trouve que c'était pour un fabricant à Vienne en France. Il n'a pas osé les mettre en collection. C'était juste l'année avant qu'il y ait la mode des chaussures en couleur, mais je l'avais fait l'année d'avant. Il m'a dit, oui, j'ai vraiment eu tort, mais voilà, il l'avait. C'est comme ça. C'est des petites boots, en fait. Oui. C'est des petites bottes. C'est d'inspiration presque bottes en caoutchouc, mais en version cuir. Et puis, alors là, j'ai des patrons, j'en ai un peu partout. Un patron, donc c'est toujours sur papier ? C'est sur papier. En ce moment, je manque de bon papier, d'ailleurs, mais... Là, il y en a beaucoup. Mais j'en ai plein. C'est pas très bien rangé. Ni job. Ni savoir, moi. Pierre Dubois-Gans. Samuel Burri, ça c'est un peintre suisse. Michel Bouquet, tiens. Ici je vois Françoise Giroud là, je vois une étiquette. Où ça ? Là. Ah oui, c'est vrai. Alors Françoise. Voilà, vous voyez, il y a longtemps, parce que c'était en 87. J'ai fait une veste avec des grandes manchures déjà, vous voyez, ça c'est des manches. Donc on a Françoise Giroud en petits morceaux. Oui. Un petit bout de colle. Un petit bout de colle. Voilà. Devant, un dos. On a le droit de dire ou pas ? Tailleur oui. Cachemire bleu marine. Oui. Couture smoking. Non. Non comprise. Souvent, c'est marqué couture smoking dans ces cas-là. Mais. C'est un type de couture. Oui, les couture smoking, c'est. C'est-à-dire qu'on a une couture très plate. Donc, Françoise Giroud, quand elle est secrétaire d'État, je crois qu'elle était secrétaire d'État, elle est habillée en Michel Schreiber, entre autres ? Entre autres, oui. Bon, je l'ai habillée parce que, à une époque, j'ai fait une ligne que j'appelais des robes fleurs. Et il se trouve que j'en avais fait une à Caroline, sa fille. C'est comme ça que j'ai connu Françoise Giroud, d'ailleurs. Elle a voulu la même chose. Et puis après, je lui ai fait des pantalons, des vestes, des chemises, des tas de choses, oui. Mais Françoise Giroud, ça, bon, bah, c'est une femme moderne, une femme intelligente, drôle, elle avait beaucoup de qualités. Est-ce que vous avez eu d'autres clientes en femme politique qui venaient s'habiller chez vous ? En femme politique, non. Et des femmes de pouvoir ? Des femmes, je ne sais pas, chefs d'entreprise ? Je pense que ce soit femme ou homme, chef d'entreprise ou haut fonctionnaire ou tout, tout dépend de la liberté que ces gens-là s'accordent, c'est-à-dire du vrai pouvoir qu'ils ont. On peut imposer, mais dans une certaine correction. Bon, si c'est pour scandaliser, c'est pas bien, mais si c'est par goût, je vois pas en quoi on peut se permettre d'empêcher des gens Mais ceci dit, je me souviens d'un jour où personnellement j'avais besoin d'aller voir un banquier parce que j'avais besoin d'argent. Au moment d'y aller, je dis, je m'habille comment ? Alors, il se trouve que j'avais des sabots suédois rouges. J'ai mis mes sabots rouges, j'ai mis une veste rouge. Je suis arrivé, il me connaissait pas. Hein. Je suis arrivé à la banque, on m'a fait rentrer. Il m'a ouvert la porte, le directeur. Il a fait, oh, alors asseyez-vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Je lui dis tant. Il m'a dit d'accord. Oui. Ben, il a dû se dire, celui-là, il est tellement culotté que je sais pas. Il est sûr de lui. Mais alors, je crois que on peut tout faire, peu importe. On a un choix différent suivant les circonstances. Tout d'un coup, on se dit, je fais ça, et clac, ça marche ou ça marche pas. Mais ce que vous nous dites là, c'est qu'il ne faut jamais se renier. Mais non, attendez, se renier, c'est pire que de se suicider. Alors là, vaut mieux se foutre une balle dans la tête que de se renier. Non, non, il faut jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Est-ce que vous pouvez décrire comment vous êtes habillé aujourd'hui, Michel Schreiber ? Alors d'abord, j'ai une chemise que j'aime beaucoup parce que elle a été imprimée par mon fils. Voilà, il me fait des tissus. Mon fils qui est artiste, qui est dessinateur, qui vit au Brésil parce que sa mère est brésilienne. Il se met à faire un peu de vêtements de temps en temps, d'ailleurs. Voilà, donc sinon, bah, c'est un pantalon. Vous voyez, les pantalons, ceinture élastique, très... Voilà, ça se lave, c'est... C'est tout vous, là ? C'est tout ah, vous oui, c'est... Oui, oui, oui. Vous faites tous vos habits ? Oui, c'est vraiment presque impossible que je me décide à un autre vêtement, tout ce que je porte, même mes sous-vêtements. Donc là, c'est une chemise qui a des boutons pression. Oui, une chemise à manches longues, des boutons pression. Ouais. Alors, je ne mets plus que des pressions. C'est peint directement sur le tissu. Mais ça se lave, hein. Ça va dans la machine à laver quand même. Hein. Il y a beaucoup de couleurs. Hein. Il y a du bleu, du rouge, du jaune. Ça se rapproche beaucoup de mes couleurs en général. Les couleurs primaires, oui. Oui, j'aime les couleurs, oui. Les primaires en particulier. J'aime que ça... Je veux que ça pète. Vous savez, je suis quand même un vieux 68-art. Hein. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin'. Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sommes-nous libres de nos habits? Michel Schreiber, papa du sportswear. Avec Michel et Catherine Schreiber. Mais je suis pas passéiste non plus. Donc, moi, je trouve que, voilà, aujourd'hui, c'est bien. Hier, c'était bien. Demain, sans doute, ça sera bien. Extrait du film Mai 68 à Paris de Jean-Luc Magneron, Grand soir et petit matin de William Klein et La grande bouffe de Marco Ferreri. Archivina, Hervé Evano, prise de son, Hélène Langlois, mixage, Olivier Dupré, un documentaire d'Emmanuel Paul, réalisé par Christine Robert. Are you ready, Boo? Start walking. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast pour l'atelier de couture, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Demain, troisième épisode, La Fabrique du Beau. Tout de suite, on retrouve Nicolas Martin pour son été en Antarctique.